بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في الدرس الرابع في تفسير الجزء الأخير من كتاب الله تعالى. Nous commençons aujourd'hui le quatrième cours dans l'exégèse du dernier juz du livre d'Allah Ta'ala. وقد ذكرنا فيما مضى أن القيامة لها وقت محدود لا يعلمه إلا الله. Et nous avons cité précédemment que la résurrection a un moment défini, un moment précis que seul Allah le Très-Haut connaisse. وأن الناس يأتون للفصل جماعات كل أمة مع نبيها. Et que les gens viendront pour le jugement en groupe, chaque communauté avec son prophète. فقال الله تعالى, Allah le Très-Haut, il dit, إن يوم الفصل كان ميقاتا. Certes, le jour du jugement a un moment défini, un moment précis. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Le jour où on soufflera dans la trompe, alors vous viendrez en groupe. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Et que le ciel sera ouvert. Et qu'il soit comme des portes. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Et que les montagnes soient déplacées. Et qu'elles soient changées en mirage. ففي هذا اليوم العظيم تنشق السماء حتى تكون ذات أبواب وطرق لنزول الملائكة. Durant ce jour grandiose, le ciel se fendra jusqu'à ce que celui-ci, le ciel, possède donc des portes, des voies pour la descente des anges. وَالنَّاسُ يُشَهِدُونَ ذَلِكَ. Et les gens, ils voient cela. Les gens verront cela. اليوم إن رأت الناس السحاب في السماء تسير بسرعة عجيبة غير معتادة يخافون لعلمهم التام أنه لو نزل عليهم شيء من السماء لا يستطيعون رده ولا إيقافه وأقوى ما عندهم التستر في البنيان والتمني أن هذه تتحمل ولا تنهدم. Aujourd'hui, les gens, s'ils voient les nuages se déplacer dans le ciel de nos jours, si les gens voient les nuages se déplacer dans le ciel avec une vitesse surprenante, une vitesse inhabituelle, les gens prennent peur parce qu'ils savent pleinement que si quelque chose leur tombe du ciel, ils ne peuvent pas le repousser. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est de rentrer dans les demeures. Rentrer dans les demeures, les bâtiments, les constructions, pour se cacher et se protéger, en espérant que ce bâtiment supporte et ne s'effondre pas. فَمَا بَالُكُمْ بِهَذِهِ الْحَالِ بِهَذِهِ الْحَالَةِ الْمُخِيفَةِ لَبِنَاءَ تَتَحَصَّنْ بِهِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ رُؤْيَةَ سَحَابٍ وليس الأمر رؤية سحاب سارعة وإنما هو انشقاق السماء لنزول الملائكة التي وصفهم الله تعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Et donc, que dire de cette situation effrayante. Il n'y a pas de construction pour nous protéger. Pas d'endroit où on puisse se protéger en ce jour. Et ce n'est pas juste le fait de voir les nuages qui se déplacent dans le ciel de façon inhabituelle. Mais là, c'est le ciel qui se fend pour laisser descendre les anges. Ce que Allah tabaraka wa ta'ala a décrit dans sa parole, lorsqu'il dit « La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun » Ils ne désobéissent pas à ce que Allah leur ordonne. Et ils font ce qu'il leur est ordonné. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah le Très-Haut, il dit « Wasuyiratil jibalu fakanat saraba » Et le jour où les montagnes seront déplacées et qu'elles seront changées en mirage. « As-sarab alladhi yadhharu lin-nadhiri annahu shay' wa laysa bishay' » Le mirage, c'est ce que lorsqu'une personne regarde un mirage, cette personne a l'impression que c'est quelque chose. Mais en réalité, ce n'est rien. وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَنْسِفُهَا Et cela, Allah a cité qu'il fera des montagnes, des mirages. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il va les pulvériser. Allah ta'ala, il dit dans sourate al-Mursalat, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ Et lorsque le ciel sera fendu, et lorsque les montagnes seront pulvérisées. فَالنَّاسُ يَرَوْنَ هَذِهِ الْجِبَالِ أَثَّقِيلَةَ الْكَبِيرَةَ تَسِيرُ كَالسَّحَابُ فَتُنْسَفْ Les gens verront alors ces montagnes lourdes et grande, se déplacer comme des nuages et être pulvérisé. Et là, yakhafoun, ne sont-ils pas pris de frayeur lorsqu'ils voient cela? Kama qultu lakum, an-nas yakhafuna in ra'aw as-sahab tusri'u fi as-sama'. Comme je vous l'ai dit précédemment, les gens, ils ont peur juste lorsqu'ils voient les montagnes, excusez-moi, juste lorsqu'ils voient les nuages se déplacer rapidement dans le ciel. Juste ça, ça suffit pour que les gens se posent des questions. Que se passe-t-il? Un ouragan, qu'est-ce qui se passe? كيف لا يخافون إذا انشقت السماء وتحركت الجبال كالسحاب حتى تكون هباء Alors comment est-ce qu'ils n'auraient pas peur lorsqu'ils verront le ciel se fendre et les montagnes se déplacer comme des nuages jusqu'à ce qu'elles soient comme de la poussière. Jusqu'à ce qu'elles soient de la poussière. Ya ikhwa wa akhawat. Man la yakhafu amama zilzal. Oh, mes frères et sœurs, qui n'a pas peur des tremblements de terre. الناس كلهم لا كلهم يخافون لا يعرفون هل سيسقط شيء على رأسهم أو على رؤوسهم أو تنشق الأرض فتبلعهم. Les gens, ils ont tous peur, ils ne savent pas est-ce qu'il y a quelque chose à cause du tremblement de terre qui va leur tomber sur la tête ou est-ce que la terre va se fendre et les avaler. Ils ne savent pas, alors ils ont peur. Ça me rappelle, lorsque j'étais petit, en Martinique, je vais citer une petite anecdote, avec un de mes cousins, Inch'Allah Ta'ala, il va écouter ce rappel, bi'idhnillah, il verra, il saura donc de qui je parle. Il saura que c'est lui qui est visé ici. Vous savez, chez nous, en Martinique, c'est un peu comme au Maroc, en Algérie, où chaque année, il y a les cousins qui viennent de France. Et donc, chez nous, en Martinique, c'était la même chose. Nos cousins qui venaient régulièrement chaque été. Et je me rappelle, donc, quand j'étais tout petit, à l'école, on était habitués aux tremblements de terre, puisque en Martinique, il y en a régulièrement, fréquemment. Mais c'est pas des gros tremblements de terre, des petits. Et donc, les gens sont habitués, ils n'ont pas forcément peur, ils attendent que ça passe. Et après, la vie reprend son cours. Mais ça, c'est pour les petits tremblements de terre. Parce que quand c'est des gros tremblements de terre, là, tout le monde a peur. Et tout le monde est effrayé. Parce que c'est quelque chose d'incontrôlable. On ne peut rien faire. Et donc, on avait souvent les tremblements de terre à l'école, ça arrivait, on est en cours, et on sent que la terre commence à trembler, on entend des bruits bizarres. Et on comprend que c'est un tremblement de terre, et là tout le monde s'arrête, on attend que ça passe, et ensuite on reprend. Il n'y a pas de problème. Et donc mon cousin était venu cet été, on était ensemble dans ma chambre. Et là il y a eu un petit tremblement de terre. Lui il venait de la France, il n'était pas habitué au tremblement de terre. Il y a eu un petit tremblement de terre. Et là donc, on a entendu les verres qui étaient dans le placard se cogner les uns contre les autres. Et donc ça faisait un bruit donc de verres qui se cognent les uns contre les autres, les lampes qui bougent, le bureau qui bouge un peu, etc. Et il a été pris d'une panique. La première fois qu'il vivait un tremblement de terre, il a été touché par une panique. Il s'est couché sous la table tout de suite. La peur, il était effrayé. Et ce n'était qu'un petit tremblement de terre. Alors, que dire de ce jour terrible? Que dire de ce jour terrible? Kifalayachafunas, idakenahedazilzel, yashabuhu, inhidemuljibel. Que dire lorsque ce tremblement de terre est accompagné par l'effondrement des montagnes? Ce ne sont pas quelques verres qui se touchent dans le placard, les lampes qui bougent, etc. Non, l'effondrement des montagnes. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah le Très-Haut qui dit dans Sourate Al-Waqi'a, Idha rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an munbatha. Et lorsque la terre sera violemment secouée et que les montagnes seront rendues en miettes jusqu'à ce qu'elles deviennent poussière éparpillée. Ayyuhal ikhwa, yahsulu fi hadha al-yawm aw tahsulu fi hadha al-yawm umurun يفزع منها الناس إلى درجة أن الولدان يشيبون. Oh mes frères, mes sœurs, durant ce jour, des choses se produiront. Par celles-ci, les gens seront effrayés à tel point que les enfants seront comme des personnes âgées avec les cheveux blancs. Leurs cheveux vont devenir blancs par la crainte, la peur. Allah Ta'ala qui dit dans Sourate Al-Muzammil, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment est-ce que vous pouvez vous préserver si vous rejetez, si vous mécroyez en un jour qui transformera les enfants, qui changera les enfants comme des personnes âgées avec des cheveux blancs. Ayyuha al-mustami', i'tarif bidafik wa 'ajzik wa istaslim li rabbik wa khaliqik qabla an yafutak al-ajal. Ô toi qui écoutes, admets ta faiblesse. Admets ta faiblesse et ton impuissance. Soumets-toi à ton Seigneur. celui qui t'a créé, avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit, Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Certes, l'enfer est à l'affût. Certes, l'enfer est à l'affût, un refuge pour les taurines, pour les mécréants. Labithina fiha ahqaba. Ils y resteront durant de très longues périodes successives. On va expliquer cela, la traduction donc. Ils y resteront de très longues périodes successives. فَالنَّاسُ خَائِفُونَ يَرَوْنَ مَا يَشِيبُ بِهِ الْوِلْدَانِ فَهَلْ مِنْ مَأْوَى. Les gens ce jour seront terrifiés. Ils verront ce qui cause le vieillissement des enfants. Ce qui cause le fait que des enfants se retrouveront comme des personnes âgées, avec des cheveux blancs. Y a-t-il un refuge ? جهنم يومئذ هي مثوى الكافرين. L'enfer, en ce jour, sera la demeure des incroyants. هذه جهنم التي أعدها الله لهم. Cet enfer que Allah a préparé pour les incroyants. Voilà une des significations de la parole d'Allah Ta'ala. Inna jahannama kanat mirsada. Certes, l'enfer est à l'affût. C'est-à-dire que l'enfer a déjà été préparé pour eux, pour les incroyants. وقيل إن جهنم كانت مرصادا أي طريقا وممرا لا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار فإن وفق نجا نجا من النار وإلا يحتبس. Et il fut dit aussi, parmi les significations du verset, Inna jahannama kanat mirsada. Certes, l'enfer est à l'affût. Ce qui est voulu par là, c'est que l'enfer, donc, est une route et un passage inévitable pour toute personne qui veut se diriger vers le paradis. Il est donc obligatoire que tu passes au-dessus de l'enfer. Il est obligatoire que tu passes par cette étape. Tu passes donc au-dessus de l'enfer. Celui donc à qui Allah accorde la réussite est sauvé. Ne tombe pas dans le feu. Mais sinon, il y restera. Sinon, son voyage s'arrête là. Il ne va pas plus loin. وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ. Et ce deuxième avis, celui que j'ai cité, c'est celui qu'Ibn Kathir, il a cité dans son tafsir. Et donc le premier avis, comme je vous ai dit précédemment, c'est que l'enfer a été préparé. Il n'y a pas de contradiction entre les deux avis. Souvent, on voit cela dans le tafsir. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a abordé ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on va avoir plusieurs donc avis que cela veut dire qu'il y a forcément un avis qui est faux et l'autre qui est juste. Il n'y a pas de contradiction entre les deux avis. Il n'y a pas de mal donc à ce que les deux avis soient corrects. C'est-à-dire que l'enfer est préparé. L'enfer est à l'affût, l'enfer est préparé pour les incroyants. Et l'enfer est un passage inévitable. L'enfer est un passage inévitable, il faut donc passer au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis. Labithina fiha ahqab. Ils y demeureront durant de longues périodes successives. Al ahqab jam'u huqb. Et donc labithina fiha, ils y demeureront ahqab. El-ahkab, le mot ahkab, c'est le pluriel de hukbun. Wakhtalafat il-ulama fi muddat il-hukb. Et donc les savants, ils ont divergé concernant la durée de ce qu'on appelle el-hukb. C'est combien de temps? Dans, j'ai vu dans une des traductions du Mus'haf, du Coran, ils ont traduit donc en disant, ils y demeureront des siècles successifs, ou quelque chose du genre. Ils ont utilisé le mot des siècles. Et pourquoi j'ai utilisé de longues périodes? C'est à cause de cette divergence. Ils ont divergé concernant la durée de al-hukb, de un hukb. Faqila, mathalan, al-hukb al-wahid, 80 sana. Wa kullu sana, 12 shahran. Wa kullu shahrin, 30 yawman. Wa kullu yawmin, 1000 sana. Et donc, il fut dit, par exemple, que un hukb, un seul hukb, représente 80 ans. Et chaque année contient 12 mois. Et chaque mois contient 30 jours. Mais chaque jour est aussi long que 1000 ans. Chaque jour de ces 80 ans est aussi long que 1000 ans. Donc, c'est pas un siècle, là. C'est pas un siècle. وَقِيلَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَكُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا كَأَلْفِ سَنَةً. Et il fut aussi dit 40 ans. Il fut aussi dit 40 ans. Et donc, mais que chaque jour est comme 1000 ans. Et que chaque jour est comme 1000 ans. Et il y a eu d'autres avis encore sur cela. Mais dans tous les cas, ce qu'on appelle al-hukbu, c'est une longue période. Et donc, ils y demeureront plusieurs ahkab. Le hukb, c'est une longue période. Et donc, plusieurs longues périodes successives. فهل الكافرون يمكثون في النار مددا طويلة متتالية ثم يخرجون؟ Et donc, est-ce que les incroyants, ils resteront dans le feu durant plusieurs longues périodes successives, puis ils sortiront. ذكر البغوي في تفسيره قولا نسبه إلى الحسن إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة بل قال لابثين فيها أحقابا فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. البغوي l'a cité dans son tafsir une parole qu'il a attribuée à Al-Hassan qui dit: certes, Allah n'a pas défini aux gens du feu une période précise. Mais il a dit, labithina fiha ahqab, ils y resteront, ils y demeureront durant plusieurs périodes successives. Alors par Allah, ce n'est que le fait que lorsqu'une période s'arrête, lorsqu'un hukb se terminera, alors commencera un autre, puis un autre, et cela éternellement, il al-abed. Et donc, il n'y a pas de durée pour les ahkab, il n'y a pas de durée pour les ahkab autre que l'éternité. Et donc, ce qui est voulu par ce verset, ils y demeureront éternellement. Wa hadha muwafiqun لقول الله تعالى في آيات أخرى كما في سورة البقرة مثلا. Et donc cela est en accord avec la parole d'Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, dans d'autres versets, Comme dans Sourate Al-Baqarah, par exemple, lorsque Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux qui ont mécru en nos versets, en nos signes, alors ceux-là sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا أَعَدَّهُ لِلْكَافِرِينَ فِي النَّارِ. Et ensuite, après cela, Allah, il a cité les versets qui montrent ce qu'il a préparé. Qu'est-ce qu'il a préparé pour les incroyants dans le feu ? Et c'est le sujet de notre cours la semaine prochaine, inshallah ta'ala. On arrête là pour le moment. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite et qu'il nous préserve du feu de l'enfer. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.